Eh bien, bonjour, bienvenue à Canrock, l'autoroute de la francophonie musicale canadienne, avec Lalonde des ondes, Marc Lalonde au micro, toujours un plaisir, à chaque semaine, comme ça, être là, chez vous, et vous offrir de l'excellente musique franco-canadienne. Qu'est-ce que j'ai pour vous cette semaine? J'ai du Danny Boudreau, du Joseph Edgar, des Hôtesses d'Hilaire, l'album de la semaine. On commence à repasser les albums de l'année, parce qu'on est rendu presque au mois de décembre. Donc on va entendre l'album de Édouard Landry, L'Escalade. Il y aura également du Céleste Lévy, oui, il y aura aussi du Marie-Claude, j'aurai Marcel Aymard comme musique. Côté instrumental, j'ai pour vous tout simplement Chris and Crazy Brass et Louis Trudel. Et du côté de l'Ouest, Jocelyne Baribeau, Christelle Plamondon, Annick Granger et bien d'autres. Et oui, bien le bonjour, bienvenue à Canrock, ici Lalonde des ondes, et comme à l'habitude, permettez-moi le temps de remercier des gens très très spéciaux qui me permettent comme ça justement de rentrer chez vous et de vous offrir de l'excellente musique franco-canadienne. Merci beaucoup à Vanessa Lisabelle de l'Arc du Canada, merci beaucoup. Merci beaucoup aux directeurs, directrices de programmation des stations suivantes, CHMR Saint-Jean-Terre-Neuve-Labrador, CKJM chez Tican, WFM 98 Halifax, CIFA B. Sainte-Marie en Nouvelle-Écosse, CKMA Miramichi Nouveau-Brunswick, CHUO la radio de l'Université d'Ottawa et CFRH la radio francophone du comté de Simcoe de la région de Barrie en Ontario. En vol 91 Saint-Boniface au Manitoba, CFRG Gravelbourg Saskatchewan, CILS Victoria Colombie-Britannique, CIVR Yellowknife Territoires du Nord-Ouest. Merci beaucoup de diffuser ou rediffuser l'émission. Bien entendu, un beau bonjour à tous les gens qui m'écoutaient sur ces stations-là. Et si vous avez des commentaires, des suggestions, même des contacts d'artistes francophones qui ont d'excellents produits en français ou instrumental, ça tourne chez vous, ça tourne nulle part ailleurs, même pas à Canrock. Laissez-moi leurs coordonnées à Canrock, cdn@gmail.com. Voilà. Allons-y avec le bloc des maritimes, si vous voulez bien. On commence ça avec Danny Boudreau, auteur, compositeur, interprète de grand talent, qui s'est joint à Jocelyne Baribeau du Manitoba, auteur, compositrice, interprète de grand talent, pour former le duo Beau Séjour. Ils sont en préparation d'album qui devrait peut-être sortir au printemps. J'ai hâte d'entendre ça. On va y aller avec Adélaïde de M. Pascal Lejeune. Monsieur Danny Boudreau le reprit de façon plus country, vous allez voir, c'est vraiment génial. Voici Danny Boudreau, Adélaïde. Tu m'as offert ton cœur, moi je l'ai prisonnier. Tu me bénis, je te claque, le coffre fort a sauté. Adélaïde, Adélaïde, amour impossible. L'amour derrière les barreaux, Adélaïde ne m'attend pas. Vole, vole comme l'oiseau, loin d'ici, loin de moi. Adélaïde. Adélaïde, amour impossible. Prolongerai l'éphémère pour un dernier baiser. Adélaïde, Adélaïde, amour impossible. Ton cœur, moi je l'ai prisonnier. Tu me bannis, je te claque. Le coffre fort a sauté. Adélaïde, Adélaïde, Adélaïde. Adélaïde. Thank you. Rechtin qui sont en tournée en France, Belgique et aux Pays-Bas ces temps-ci. Donc on vient d'entendre l'autre femme. Et en passant, si vous voulez entendre ce que ça donne à peu près, beau séjour, allez sur ma page Facebook de Canrock, C-A-N-R-O-C-K. Vous avez un petit clip, pas tellement long, là, mais vous avez un petit clip où vous entendez les deux voix de Jocelyne Baribeau et Danny Boudreau qui marchent bien ensemble. Et ça, en tout cas, j'ai hâte d'entendre cet album-là, connaissant le talent des deux interprètes comme compositeurs et interprètes. Je pense que ça va être quelque chose de merveilleux. De toute façon, tout ce que fait Danny Boudreau est excellent. Allons-y avec Joseph Edgar dans quelques instants. Lui qui, dans le cadre des coups de cœur francophones à Montréal, a fait quelques spectacles et c'était vraiment plein, ça a bien été. Joseph Edgar qui lui aussi fait toujours du bon matériel, hein, celui que j'appelle, je l'ai nommé moi, le Bob Dylan acadien, demeure maintenant à Montréal. Et on va entendre Boule Miroir. Je pense qu'il est en préparation d'un album. C'est à suivre. On va entendre, bien sûr, Boule Miroir dans quelques instants. Une chanson qui est sortie, si je ne me trompe pas, en début septembre, que j'ai reçu ça. Et c'est vraiment intéressant comme pièce. Ce qui est intéressant aussi, c'est l'opéra rock Viens avec moi des Hôtesses d'Hilaire. Ça, écoutez, ça a marché comme ça se peut pas. Je pense 3 guichets fermés sur 5 spectacles. Allez faire un tour sur Distribution Plage, www.plage avec un s.net pour vous procurer une copie de l'album de l'opéra rock. On va entendre une pièce qui s'appelle Spread the Love. Très intéressant. Écoutez le texte de Serge Brideau. C'est vraiment merveilleux. Ça s'en vient dans quelques instants. Mais là, on y va avec un bon copain à moi, Joseph Edgar. Voici tout simplement Boule Miroir. Sous les effets d'une boule miroir, on se laissait aller un soir. Pas le genre d'affaires qui arrive souvent, mais ça arrive de temps en temps. Nos têtes se sont mises à tourner, mais non pas de la mauvaise way. Nos pieds flottaient, nos hanches couvaient, tout le monde autour nous regardait. Laissons nos pensées se perdre dans le vide pour arrêter le temps. Le temps d'une minute, le temps d'une nuit, suspendu un moment. Allez, scintillait fort, projetant du glitter sur nos corps. Tout le monde riait, tout le monde s'aimait. Y'a personne qui ne se souciait de rien, de rien, de rien pantoute. On ne vit qu'une fois, vie coûte que coûte. On se le dit pas assez souvent, mais on se le disait ce soir-là. Laissons nos pensées se perdre dans le vide pour arrêter le temps. Le temps d'une minute, le temps d'une vie. La musique nourrissait nos âmes. Si tu crois dans du stuff comme ça, elle pirouettait sur le dance floor. Et moi je me suis rendu là. Au sens où ils rivalisaient, les reflets de la boule miroir. Pour une seconde je me suis cru dans la plus glorieuse histoire. Loin de la grande ville, loin de ces cheap thrills. Loin de la grande ville, loin de ces cheap thrills. Laissons nos pensées perdre dans le vide pour arrêter le temps. Le temps d'une minute, le temps d'une nuit, suspendu un moment. Laissons nos pensées perdre dans le vide pour arrêter le temps. Le temps d'une minute, le temps d'une nuit. truth be told, I don't need you. Je peux acheter des hits des algorithmes. Ça coûte pas cher de la musique faite par des robots de nos jours. But that's not the way I wanna do business with you, mon bébé. You're my special little project. Tu pourrais être le premier acadien avec un show en permanence à Vegas. But first things first, ça prend un hit. La meilleure façon, selon moi, de faire un hit international, c'est les onomatopées. J'aime tellement ça, ces refrains-là. C'est fresh. Puis ça se vend comme rien à des publicités de genre. Alors si je me disais mon bout, ça prendrait une danse. Une danse munie de catchphrase. Quelque chose en anglais, quelque chose comme ça, c'est ça. Pas danser à la maison, je ne vous crois pas, mais pas du tout. Écoutez, une chanson, un rythme disco comme ça, avec beaucoup d'énergie, c'est dur de se retenir. C'était Spread the Love des Hôtesses d'Hilaire, tiré de leur opéra rock Viens avec moi. Donc, à suivre, bien sûr. Là, je vais y aller avec deux pièces de la formation Seconde Nation. Je vous explique. Lorsque j'ai été voir Sean Ferguson, là, peut-être une semaine de ça, il y avait le contrebassiste Julien Brault, pardon, et aussi Marie-André Godet, qui faisait du violon et la voix. Et Marie-André Godet m'a laissé un petit EP de son groupe Seconde Nation, dont fait partie Julien Brault. Et bon, c'est un premier EP qui s'appelle « Le petit bonhomme », la chanson folklorique. Mais elle m'a dit qu'ils sont en train de terminer un album complet avec des pièces originales. Donc, j'ai hâte d'entendre ça. On va y aller avec Le petit bonhomme Dora et aussi une pièce qui s'appelle, bon, je vais essayer de prononcer ça, là, Tilarin Tintou. Voici Seconde Nation. Thank you. tout de la ridée. Oh monsieur le docteur, je viens vous chercher, c'est pour ma femme qui est éreintée. Oh monsieur le docteur, je viens vous chercher, c'est pour ma femme qui est éreintée. Montez en haut dedans sa chambre, c'est là que vous la trouverez. Tout de la ridée. Mais attendez, avant de monter, j'ai petit quelque chose à vous donner. Oh, un petit verre de brandy qui servira à vous réchauffer. Tout de la ridée. Oh, le docteur bu son brandy, puis s'engage dans l'escalier. Un courant du vers les minuit, ben la femme crie à son mari. Tout de la ridée. Mon cher mari, montez en haut, je suis guéri. Mon cher mari, montez en haut, je suis guéri. Mais dites-moi donc, monsieur le docteur, dites-moi donc combien je vous dois. Tout de la ridée. Mais dites-moi donc, monsieur le docteur, dites-moi donc combien je vous dois. Mais ce n'est rien, mon cher monsieur, je reviendrai même plus souvent. Tout de la ridée. Son petit calimédame, c'est la femme du bonhomme, le bedeau, le petit bonhomme et tout. C'était un petit bonhomme qu'on appelait Galerie, et la bonne femme aussi. Il partira à la chasse. Son petit calimédame, c'est la femme du bonhomme, le bedeau, le petit bonhomme et tout. Il partira à la chasse aux perdrix, mais la bonne femme aussi. Et la bonne femme aussi. Ils montirent dans un arbre. Son petit calimédame, c'est la femme du bonhomme, le bedeau, le petit bonhomme et tout. Mais la branche s'est mise à rompre et Galerie tombit, mais la bonne femme aussi. Et la bonne femme aussi. Il s'a fondu 3 pouces. Son petit calimédame, c'est la femme du bonhomme, le bedeau, le petit bonhomme et tout. Il s'a fondu 3 pouces en dessous de l'embourie, mais la bonne femme aussi. Et la bonne femme aussi. Et la bonne femme aussi.